Il y a bientôt un an, un homme bousculait la vie politique française en devenant président de la République sans jamais avoir été élu ni pratiquer quelconque politique. Un an après, Emmanuel Macron est toujours là et suscite toujours autant de questions. Emmanuel Macron, le dynamiteur, la semaine dernière à la télévision, et ce week-end, le nouveau documentaire « Macron à l'Élysée ». Le casse du siècle. On va en parler avec Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à Paris-Sorbonne, vous enseignez l'histoire de la communication et vous publiez le coup de com' permanent aux éditions du CERF, le coup de com' permanent en parlant d'Emmanuel Macron. Alors, chaque président a son allure bien à lui en matière de communication et là-dessus, Emmanuel Macron s'est bien trouvé. Ah, il se différencie de ses deux prédécesseurs immédiats. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a profondément été marqué par la gestion de la communication à la fois de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Il considère vraisemblablement que Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont négligé le contrôle et la maîtrise de leur communication et que finalement les soucis qu'ils ont rencontrés dans leur relation à l'opinion est lié à cette absence de contrôle et cette absence de maîtrise de la communication. Donc Emmanuel Macron est quelqu'un qui accorde une importance, on l'aura compris maintenant depuis plus d'un an, absolument essentielle à la manière dont il construit sa politique de communication, dont il gère sa relation avec les médias, et il est vraisemblablement celui qui, parmi les présidents récents, a professionnalisé de la manière la plus précise, la plus rigoureuse, la plus inventive aussi parfois, sa communication. Alors, dernier exemple de communication chez Emmanuel Macron, le voyage présidentiel aux États-Unis qui a commencé lundi. Emmanuel Macron s'est exprimé en français et en anglais en sortant de son avion et le chef d'État a donc donné deux discours dont le second, dans sa langue maternelle, comportait une phrase supplémentaire. Cette phrase, c'était la suivante. Nous, en citant la France et les États-Unis, sommes des garants du multilatéralisme contemporain. Voilà ce qu'a donc affirmé Emmanuel Macron dans la langue de Molière après l'avoir omis dans celle de Shakespeare. C'est finalement Arnaud Benedetti tout un symbole et encore là la preuve d'une communication acharnée du président. Mais alors finalement, est-ce que trop de communication, ce n'est pas au final trop nocif en politique ? Alors écoutez, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il considère de manière évidente qu'il y a la nécessité de soigner la communication jusque dans le moindre détail. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard dans la façon dont il récite sa présence au pouvoir. Si vous voulez, le rajout en français de cette phrase sur le multilatéralisme, bien évidemment, est totalement volontaire. Il a été certainement pensé en amont. Et surtout, il vise, et ça, je crois que c'est le plus important, à montrer que dans la relation avec Donald Trump, il essaye d'avoir une relation certes courtoise, voire même très amicale. Il affiche à travers différents gestes, à travers différents clichés, mais que il a la volonté d'essayer de domestiquer, si je puis dire, la personnalité éruptive du président américain pour pouvoir imposer, en tout cas pour pouvoir véhiculer sa vision de la diplomatie, sa vision des relations internationales, qui est une vision qui se veut multilatérale. Alors, tout ceci, néanmoins, pose difficulté parce que il y a d'un côté les discours, il y a d'un côté la communication, il y a d'un côté la manière dont vous scénarisez votre présence au monde, puis ensuite les actes. Or, ce que l'on constate quand même maintenant depuis moins de 24 heures, c'est que les actes ne sont pas toujours au rendez-vous. On voit bien que Donald Trump a manifestement réitéré dans le bureau ovale il y a quelques heures son opposition énergique à l'accord sur le nucléaire iranien. Donc la politique d'affichage de sa proximité avec Donald Trump, Macron peut certes la mettre en scène, mais il n'en est pas du tout, en tout cas, il n'est pas du tout évident que cette politique porte ses fruits quand on voit quand même l'énergie avec laquelle le président des États-Unis défend ses positions. Alors, en début de mandat, Emmanuel Macron était surnommé Jupiter. Depuis quelques mois, il multiplie les sorties de l'Olympe, hein, pour citer les journalistes le surnommant ainsi. Sorties de l'Olympe en allant plus au combat, plus au dialogue. Constatez-vous une évolution sur cette première année de mandat présidentiel, Arnaud Benedetti? Ah mais écoutez, depuis qu'il a accédé à l'Élysée, contrairement à cette apparence selon laquelle Emmanuel Macron ne bougerait pas dans sa communication, Emmanuel Macron n'a jamais cessé de renouveler sa communication. Ce qui démontre d'ailleurs, d'une certaine façon, qu'il ne maîtrise pas plus que ses prédécesseurs sa communication, sauf qu'il met en scène de manière plus ostentatoire, si je puis dire, la maîtrise de sa communication. Vous savez, souvenez-vous, quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée en mai 2017, il reprend à son compte la vieille théorie de l'un des conseillers de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac, Pilant, sur la rareté de la parole présidentielle. Or, qu'est-ce qu'on constate finalement depuis maintenant 12 mois? C'est que Emmanuel Macron n'a jamais cessé de parler à l'opinion, n'a jamais cessé de s'adresser aux médias, sauf qu'il le fait en fonction à la fois des circonstances et avec des formats toujours très différent et très renouvelé. À la fin de l'été 2017, au moment où un certain nombre d'études d'opinion montrent un net infléchissement de sa cote de popularité, notamment après l'épisode de la crise avec le chef d'état-major, le général de Villiers, après l'annonce notamment aussi de l'augmentation de l'APL, Emmanuel Macron est revenu très rapidement vers les médias traditionnels. Il va donner en fin août 2017 un entretien de 15 pages au Point. Son épouse, Brigitte Macron, va donner un entretien à elle pour notamment quelque part caresser l'électorat féminin qui avait voté assez massivement pour Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle. Donc il y a chez Emmanuel Macron une adaptation permanente de sa communication à la conjoncture, à la situation et aux auditoires auxquels il souhaite s'adresser. Et là, tout récemment, nous venons de vivre une séquence de communication extrêmement massive qui visait à la fois à s'adresser à certains segments de l'opinion. En allant chez Jean-Pierre Pernaut, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il souhaitait s'adresser à cette France périphérique qui parfois doute de sa politique et qui considère qu'il est très éloigné de ses préoccupations. Il voulait s'adresser aux retraités, qui sont des téléspectateurs assidus du journal de Jean-Pierre Pernaut. Et en allant 3 jours plus tard chez BFM et devant Mediapart, il s'adressait certainement à une France peut-être plus urbaine, et surtout à une France à travers la figure un peu emblématique des Louis Plenel, à une France qui est de gauche, plus hostile à sa politique, qui est peut-être plus proche des insoumis. Donc il y avait là en tout cas la volonté dans cette séquence de communication de marketer son expression publique en fonction de segments sociologiques très précis. Et il y avait aussi un enjeu d'image extrêmement important. L'enjeu d'image, c'était notamment à travers le deuxième entretien, de montrer qu'il était un président qui n'avait pas peur d'aller s'opposer à des journalistes contradicteurs qui sont considérés comme des journalistes non seulement chevronnés, mais des journalistes qui font leur métier sans concession. Donc il fallait montrer que dans un moment d'adversité, avec des manifestations dans la rue, avec la grève à la SNCF, avec les facultés qui, pour certaines d'entre elles, sont occupées, il fallait montrer qu'il était un président qui, à la fois, était capable de faire preuve de combativité et qui était capable, néanmoins, en faisant preuve de combativité, d'écouter et d'entendre les gens qui s'opposaient finalement à sa politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il renonce lui-même à sa politique. Loin de là, au contraire, il a voulu montrer qu'il était un président qui décidait, qui agissait et qui tenait ses positions. Macron, souvent surnommé président des riches par ses opposants, mais alors qui incarne-t-il vraiment pour vous? Est-il un président de gauche ou finalement un président de droite? C'est vrai que durant la campagne présidentielle, il était difficile d'arriver à trancher sur ce point-là. Non, mais Emmanuel Macron, si vous voulez, il y a la réalité de la genèse d'Emmanuel Macron. La genèse du vote Macron, c'est à l'origine plutôt un vote qui est un vote centre-gauche. Et c'est vraisemblablement cet étiage minimal qui lui a permis, en tout cas, d'être en tête au premier tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, Macron, je le rappelle, hein, lors de sa campagne présidentielle, se présentait, en tout cas sa baseline idéologique, c'était de se présenter comme un candidat progressiste. Progressiste, mais libéral. Or, depuis qu'il a accédé à l'Élysée, on voit bien que les signaux qu'il envoie, les symboles qu'il met en avant, sont des signaux et des symboles qui parlent plus vraisemblablement à une France de centre-droit, voire de droite, qu'à une France de gauche. Donc Emmanuel Macron doit gérer cette contradiction d'avoir été un président de la République élu avec une base électorale plutôt au centre-gauche, qui mène aujourd'hui une politique de centre-droit, voire une politique de droite. Donc toute la difficulté pour Emmanuel Macron est quelque part de gommer cette contradiction et de montrer qu'il est le président de tous les Français. Et c'est ce qui explique aussi la séquence de communication que l'on a connue ces derniers jours, avec une séquence de communication qui avait pour vocation justement de s'adresser à toute la France périphérique, la France des insoumis, en tout cas cette France qui, quelque part, ne se reconnaît pas forcément dans cette politique d'affichage libéral, qui n'est d'ailleurs pas forcément libéral. Hein. Les vrais libéraux vous diront que Emmanuel Macron mène une politique qui est tout sauf libérale, mais en tout cas qui, sur le plan des symboles, sur le plan de l'affichage, sur le plan presque du marketing, en tout cas revendique une forme de libéralisme. Et puis il y a une femme que vous citez plusieurs fois dans votre livre, hein, le coup de com' permanent, c'est Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron. Mais que lui apporte-t-elle finalement ? Vous dites que le fait qu'elle fût professeure rassure Emmanuel Macron. Ah ben vous savez, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a construit sa visibilité et sa notoriété médiatique en affichant son couple. Ce couple un peu atypique à l'origine, qui renversait quelque part le modèle patriarcal. Emmanuel Macron l'a assumé sans complexe, notamment avec toute une série de photos qui ont alimenté la presse people durant des mois et des mois, alors qu'il était un tout jeune ministre de l'économie et des finances. Donc ça déjà, la scénarisation de sa vie privée a été un élément, j'allais dire, matriciel dans la construction de sa notoriété et de sa visibilité. D'autant plus que Emmanuel Macron, n'étant pas un homme politique comme les autres, puisqu'il n'avait pas de mandat électoral, avait besoin de se faire connaître. Donc il s'est fait connaître d'abord du grand public par l'affichage de cette vie privée. Ensuite, je pense que Brigitte Macron joue un rôle extrêmement important parce qu'elle lui a vraisemblablement insufflé les codes du classicisme. Et chacun, là aussi, s'accorde à reconnaître que Emmanuel Macron, en accédant à l'Élysée, très rapidement su habiter le costume, en tout cas porter le costume présidentiel. Le défi pour lui était en effet un défi d'importance, puisque son jeune âge pouvait quelque part l'handicaper pour habiter cette stature présidentielle. Or, force est de constater qu'il y est plutôt parvenu avec bonheur, et c'est vraisemblablement en tout cas ce que une partie de l'opinion lui sied gré après deux mandats dont on considère celui de Nicolas Sarkozy et de François Hollande qu'ils ont malmené la fonction présidentielle. Et je pense que, en effet, Brigitte Macron, peut-être le fait qu'elle est une enseignante de français, une professeure de français qui aime le théâtre, lui a certainement apporté cette rigueur dans le comportement qui a fait en sorte que Emmanuel Macron puisse habiter aussi vite le costume présidentiel. Arnaud Benedetti, donc professeur associé à Paris-Sorbonne, le coup de com' permanent aux éditions du CERF. Vous parlez donc ainsi d'Emmanuel Macron dans ce livre. Merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Merci.